travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. La haine a été plus forte. Plus forte que moi. Elle que toi, elle que la loi. Aujourd'hui, tu me demandes d'agir. Non, rien ne servirait qu'à faire couler inutilement plus de sang. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Bonjour. Les messages de haine qui sont charriés sur les réseaux sociaux doivent-ils être censurés par les responsables de ceux-ci et peuvent-ils l'être? Une loi récente, portée au Parlement par Laetitia Avia, députée de Paris, le leur imposait sous peine de lourdes amendes. Et même si ce texte a été censuré pour une large part par le Conseil constitutionnel, il témoigne d'une inquiétude qui est aujourd'hui répandue. Il s'agit de la découverte que l'intensité des haines en circulation sur la toile, qui fige le dialogue démocratique et qui exaspère les passions les plus sinistres et les plus délétères, constitue une grave menace pour la prédominance de la raison sur la passion, pour la sérénité des citoyens et pour la cohésion nationale. Je ne songe certes pas à minimiser ce souci qui peut devenir taraudant, mais seulement pour resituer les choses, à rappeler la violence des imprécations que nos ancêtres ont déjà échangées entre eux dans tout le champ de la politique, de la société et même de la vie familiale. Leur support a changé, mais leur ressort et leur débordement probablement pas. Sans remonter à l'Antiquité ou à l'Ancien Régime, il va suffire pour le démontrer de centrer notre attention sur le long XIXe siècle, car celui-ci offre à profusion des exemples impressionnants de ces dévergondages ravageurs de la pensée et de l'émotion. Mon invité, Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers, a consacré un beau livre à ce thème et à ses multiples dimensions en se concentrant sur le cas français. Avec lui, familier de toutes les sources judiciaires, littéraires ou journalistiques qui s'offrent en profusion, nous allons considérer ces modulations de la haine dans les divers secteurs d'une société et ce qu'elles peuvent nous dire sur les tensions qui y sont au travail sans relâche. Le tonneau de la haine. La haine est le tonneau des pales d'Anaïde. La vengeance éperdue aux bras rouges et forts a beau précipiter dans ces ténèbres vides de grands seaux pleins du sang et des larmes des morts. Le démon fait des trous secrets à ses abîmes par où fuiraient 1000 ans de sueurs et d'efforts. Quand même elle saurait ranimer ses victimes et pour les pressurer ressusciter leur corps. La haine est un ivrogne au fond d'une taverne qui sent toujours la soif naître de la liqueur et se multiplier comme l'hydre de l'herne. Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur. Et la haine est vouée à ce sort lamentable de ne pouvoir jamais s'endormir sous la table. Frédéric Chauveau, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé le poème de Charles Baudelaire qui s'intitulait « Le tonneau de la haine ». Et la haine est vouée à ce sort lamentable de ne pouvoir jamais s'endormir sous la table. Je pense que nous allons le démontrer. Ce poème vous paraît parler pour le sujet auquel vous avez consacré beaucoup de temps, d'efforts et de sagacité. Oui, je crois que le poème est une illustration forte de la haine. Les poètes et les littéraires ont beaucoup investi cette thématique. On oublie parfois Théophile Gautier, mais dans Mademoiselle de Maupin, qui peut être considéré comme le roman de la haine au XIXe siècle. Alors, il n'est pas, bien sûr, donc, le seul, mais Charles Baudelaire donc, insiste particulièrement sur les bras rouges et forts, sur le sang et les larmes. Donc, tous les ingrédients de la haine sont présents dans ce poème. Mademoiselle de Maupin, en quoi est-ce un livre sur la haine? Parce que le personnage principal d'Albert évoque la question des sentiments en disant notamment que la haine, c'est un sentiment noir qu'on ne peut pas effacer et qui va en quelque sorte subjuguer les différents personnages et les obliger à avoir des actions absolument épouvantables. Mais en même temps, la haine peut se retourner contre les personnages, c'est-à-dire les entraîner vers des actions qu'eux-mêmes réprouvent ou éventuellement leur proposer comme seule issue de passer de vie à trépas, c'est-à-dire de choisir la voie du suicide. Vous avez déniché, si je puis dire, Frédéric Chauveau, un livre qui s'appelait La haine, qui est un livre de René Matisse, oublié mais éclairant, 1927. Oui. Tout à fait, qui date de 1927. C'est le premier livre complet sur la haine et c'est tout un programme. Il affirme que la haine est plus facile à pratiquer et à satisfaire que l'amour. C'est un petit peu désespérant. Il affirme également que la haine est un sentiment simple, mais que parfois, donc, la haine, quand elle circule, elle ignore aussi les propres motifs de son existence. Alors que dans le cadre du sentiment amoureux, évidemment, la situation est totalement inverse. Eh bien, voilà déjà un bon... une bonne table des matières pour notre conversation. La haine, c'est aussi, vous le montrez bien, c'est souvent une forme d'énergie. Je pense en particulier au cas que vous éclairez, qui est celui du capitaine Nemo de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. J'avais oublié, je dois dire, que la haine y tenait un tel rôle. Oui, c'est un petit peu aussi par surprise, c'est en relisant donc les aventures du capitaine Nemo que je me suis véritablement aperçu que la haine, qui n'est pas l'objet finalement d'un grand développement, mais c'est bien une énergie particulièrement donc vive qui est un petit peu donc le moteur à la fois du personnage principal, en même temps de l'équipage qu'il entraîne avec lui, et finalement c'est, si je peux dire, la force invisible, selon Jules Verne, qui traverse l'ensemble des sociétés. Il est le monde, en fait. Il est. On pense déjà à Alceste, d'ailleurs, où j'ai conçu pour elle une effroyable haine à l'égard de la société tout entière. Sa haine, finalement, n'a pas de limite. Il n'y a pas de contour précis, on ne peut pas la corseter. Voilà. Il peut haïr tel individu, il est l'humanité donc, en général, et donc la société planétaire à son échelle, ou plutôt sous-marine, devrais-je dire. Nous allons parler d'abord de politique. Vous montrez que la haine est vouée souvent, la haine héritée, fréquemment d'ailleurs, à structurer les imaginaires collectifs. Vous remontez, puisque nous parlons du 19e siècle au sens large, à la Révolution française. La haine se trouverait bien souvent avant, mais en quoi est-ce que vous apercevez dans la Révolution française l'apparition peut-être un peu binaire de cette hostilité de groupes par rapport à d'autres groupes, de familles par rapport à d'autres familles, de familles politiques? Alors effectivement, pour la Révolution française, la difficulté, c'est quand on rentre, si je peux dire, dans les événements, dans la temporalité de la Révolution française, on n'en sort jamais, on est obligé à ce moment-là de faire une plongée complète. En revanche, ce qui est peut-être intéressant, c'est de regarder donc au moment du centenaire de la Révolution française, comment donc les uns et les autres peuvent regarder leur passé récent et comment donc chacun envisage l'avenir politique. Vous parlez de 1889 et de la République, la jeune Troisième République, comment elle s'en est accommodée de cet anniversaire? Tout à fait. Voilà. Alors, ça peut être à ce moment-là par l'entremise d'un certain nombre d'illustrations artistiques. Alors, je pense peut-être en particulier au tableau qui a été célèbre à une époque de Jean-Joseph Vers, La mort de Barat, jeune tambour, qui a déjà été l'objet à l'époque de la Révolution française de débats avec un discours assez splendide de Robespierre qui disait que la jeune République avait besoin de héros. Et quoi de mieux que ce jeune républicain, ce gamin, ce garçon, victime de quatre Vendéens, et le tableau fixe la scène sans savoir forcément qui va porter le coup décisif, mais le message qui est transposé, qui rejaillit sur l'ensemble de la société dans les années 1889-1890, c'est que ce jeune garçon a eu raison de faire le sacrifice de sa vie pour son idéal, qui est l'idéal de la République. Voilà, donc là, on voit à partir de là le poids de la Révolution française, et en même temps, un certain nombre d'observateurs, d'hommes politiques, essayent de s'intéresser plus particulièrement à la structuration des partis politiques, et pour eux, en plongeant dans le passé récent, cette structuration se fait effectivement de manière binaire, c'est-à-dire il y a deux camps, et il n'y a pas la possibilité d'un échange ou d'un dialogue. Donc chacun doit choisir son camp, et le fait à ce moment-là d'être particulièrement donc incisif, fait que pour les modérés, eh bien, il n'y a pas de place. Alors qu'on peut penser à l'inverse, qu'une république gouvernée par des modérés se porterait sans doute mieux. Une république de la sagesse, oui. D'ailleurs, dans l'histoire, tous ceux qui, au moment des guerres civiles, on n'a pas été en guerre civile constamment au XIXe siècle, même s'il y a eu des moments spasmodiques ou de fêtes, les affrontements des classes, juin 48 ou la commune, ces affrontements ont été de la sorte matérialisés. Il y a tout de même eu beaucoup de gens qui ont joué le jeu d'une certaine sérénité, en tout cas, qui se sont placés entre les camps. Dans l'histoire, beaucoup sont écrasés, de fait. C'est Sadat, c'est Rabin en politique étrangère, c'est aussi Maître Popi, par exemple, ou Mouloud Feraoun au moment de la guerre d'Algérie, ceux qui s'efforcent de se mettre au milieu et qui sont souvent transpercés. Victor Hugo avait déjà peint ce type de personnage, vous le mettez bien en lumière, dans 93, ce roman des débuts de la Troisième République, où un personnage Gauvin incarne bien cela, non ? Dans le roman de 93 de Victor Hugo, les trois personnages qui sont les trois protagonistes principaux laissent finalement donc la place peut-être essentielle à Gauvin, qui correspond à ce moment-là à ce que Victor Hugo veut essayer de prôner en matière politique. C'est celui qui est issu de catégories sociales privilégiées, il est considéré comme un traître à sa caste, mais en même temps il a des idées avancées. Et donc pour Victor Hugo, c'est un personnage central, c'est véritablement le héros moderne, une sorte de saint laïque au service finalement donc des idéaux les plus nobles et qui est capable de composer aussi avec son passé. Oui, on est là contre des propos souvent tenus, je pense à celui que vous avez relevé du vicomte de Launay dans une chronique du 21 octobre 1837, publiée dans le journal La Presse. Il y a, disait-il, en France deux grandes sociétés qui se font la guerre sans relâche, qui se haïssent et se méprisent, et qui se haïront et se mépriseront éternellement. Alors, ce type de propos, alors c'est une analyse qui est particulièrement donc terrible, mais on retrouve cette grille de lecture dans toute une série de revues de la première moitié du 19e siècle. Alors, c'est pas forcément une littérature qui aujourd'hui passionne, si je peux dire, la recherche, mais qui est absolument donc essentielle pour percevoir comment on pouvait envisager la question des débats politiques. Et l'autre est véritablement considéré comme un adversaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue, c'est un ennemi irréconciliable, et dans ces cas-là, la seule option possible, c'est celle de l'anéantissement. Il faut anéantir absolument donc son ennemi ou son adversaire. Donc c'est une pensée en politique binaire, mais on peut aussi donc la lire par rapport à, non pas février, mais juin 1848, ou d'autres événements que le 19e siècle a pu connaître au fil du temps. D'ailleurs, on est frappé quand on lit Les Souvenirs, très beau livre, un style admirable de Tocqueville, Les Souvenirs sur cette période, de voir qu'il conçoit vraiment les journées de juin comme un affrontement classe contre classe, de haine binaire. Une opposition qu'il fallait probablement purger, d'ailleurs, en somme, dans sa pensée. Il le justifie un petit peu, alors c'est évidemment très bien écrit, mais en disant que l'enjeu, c'était de sauvegarder la civilisation. Et que même si c'était douloureux, il n'y avait pas d'autre choix que de réprimer le plus fortement possible les insurgés de juin. Alors, il n'est pas le seul à prononcer ce discours. Il ne faut pas oublier, par exemple, la formule de Chateaubriand, bon, qui est connue, mais qui est peut-être bon de rappeler, en disant que l'ennemi de l'intérieur est plus terrible que l'ennemi de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est une façon, finalement, de valoriser, si je peux dire, la purge sanglante régulière de la partie la plus tapageuse de la population. Il y a un livre qui était passé, comme on dit maintenant, formule usée, sous les radars, qui est le livre de Raoul Frary, une analyse de la haine en politique, le manuel du démagogue. Vous avez fait émerger ce livre, 1884, qui est éclairant. Raoul Frary, sur son livre Manuel du démagogue, a été couronné par l'Académie française. Donc pour les contemporains, ça a été considéré comme un ouvrage important. Et lui, il considère que finalement, il existe bien un esprit de parti, et que le démagogue n'est pas tout à fait un homme d'État, mais c'est plutôt un politicien. Et il fait une sorte de typologie des hommes politiques. Il va, si je puis dire, mettre en place 5 catégories. Et celui qu'il appelle l'homme violent, c'est celui qui est le plus ardent, le plus vindicatif, et c'est celui qui est davantage suivi, en fait, par les membres de sa propre formation et par l'opinion publique. Et donc, c'est un livre qui est assez intéressant parce que c'est une sorte de décryptage et on pourrait aussi, pourquoi pas, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, trouver un certain nombre d'éléments sur comment fonctionne le populisme, quels sont ses ressorts. Il insiste sur l'opposition qu'il faut faire entre la haine individuelle de quelqu'un en face de quelqu'un d'autre et puis ce qui se développe dans un groupe ou dans une foule ou dans la tourbe, comme disaient les anciens, où les hommes abandonnent leur individualité et se laissent porter les actions qu'ils auraient probablement désapprouvées s'ils avaient été seuls. Ce même Frary écrit « Dès lors qu'on les conduit par la haine, les hommes, ils n'aperçoivent plus que l'objet immédiat de leur antipathie. Ils ne craignent ni d'être injustes, ni d'être imprudents, ni de blesser, ni de se livrer. Ils ne réfléchissent pas, ne marchandent pas, ne comparent pas le sacrifice qu'on leur demande au plaisir qu'on leur offre. » Oui. Haine collective. Haine collective, haine individuelle, et puis ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure en remarque liminaire. Il affirme que la haine est une énergie dont il est impossible de mesurer la puissance. Et donc c'est véritablement elle qui serait, selon lui, le moteur à la fois des actions politiques, mais également du cheminement des sociétés. Alors si on revient à l'individu, il y a le thème du bouc émissaire qui concentre les haines dans telle ou telle conjoncture. Je vous offre un texte très fameux, c'est un extrait des Scènes et doctrines du nationalisme de Maurice Barrès, 1902. La manière dont Dreyfus a été dégradé, j'emprunte cet extrait à l'analyse spectrale de l'Occident, l'émission en son temps fameuse de Pierre Cipriot, le 2 décembre 1967. Quand 9 heures sonnèrent, que le général tira son épée, que les commandements éclatèrent, que les fantassins portèrent les armes et que les cavaliers mirent sabre au clair, le petit peloton se détacha d'un angle de l'immense carré. 4 hommes, au milieu le traître, tout raide, sur un côté l'exécuteur, véritable géant. Les 5 à 6 000 personnes présentes et qu'émouvait cette tragique attente eurent une même pensée, Judas marche trop bien. Dans ce désert, il allait d'un pas ferme, la mâchoire haute, le corps tout d'une pièce, la main gauche sur la poignée du sabre, la droite balancée. Son chien eût-il léché ses mains-là? Par une ligne diagonale, ce groupe sinistre arriva jusqu'à 4 pas du général figé sur son cheval pour s'arrêter brusquement. Les 4 artilleurs reculèrent, le greffier parla. La silhouette rigide ne broncha point, sinon pour lever un bras et jeter un cri d'innocence, tandis que l'adjudant de la garde, terrible par sa taille et magnifique de tenue, le dépouillait si vite et si lentement de ses boutons, de ses galons, de ses épaulettes, de ses bandes rouges, le tiraillait, le dépiautait, l'endeuillait. Le plus terrible fut quand, sur le genou, il brisa le sabre. Après quelques secondes, et quand il demeura déshonoré et désarmé, les poussées instinctives de la foule réclamèrent avec plus de fureur qu'on tuât ce bonhomme doré devenu un bonhomme noir. Mais la loi le protégeait pour lui faire subir des outrages réglementaires. Judas, jusqu'à cette heure, avait été un petit point immobile, battu par tous ces vents de haine. Maintenant, comme un pilori qui marche, il doit être approché des regards de tous. Il défile. La muraille militaire dont il fait le tour contient ses rages, mais semble prête à crever de fureur. À chaque instant, je crois qu'un sabre se lèvera. La foule, sur les grilles, sur les toits, réclame toujours sa mort. Quand il s'avance vers nous, le képi enfoncé sur le front, le lorgnon sur son nez ethnique, l'œil furieux et sec, toute la face dure et qui bravait, il s'écria, que dis-je, il ordonna d'une voix insupportable, « Vous direz à la France entière que je suis un innocent. » Judas, traître, ce fut une tempête. Vous avez reconnu, Frédéric Chauveau, la belle voix de Jean Topard, lisant ici Barrès. L'affaire Dreyfus a été un moment de concentration des haines en République, au tournant du 19e et du 20e siècle. Oui, c'était un moment de crispation, mais aussi un véritable tournant dans le développement de l'antisémitisme et puis ses développements les plus contemporains. Il ne faut pas oublier non plus que Édouard de Rumont a publié La France juive en 1886. Ça fait 1000 pages. C'est un brûlot absolument donc épouvantable. J'avoue que j'ai fait une immersion dedans pour pouvoir lire l'ensemble du livre. Et on comprend mieux à ce moment-là comment la société française de cette époque-là et prête aussi donc à recevoir un discours antisémite, à transformer donc le capitaine Dreyfus en bouc émissaire. Et on a encore du mal à le percevoir aujourd'hui, mais c'est un objet de détestation absolue. C'est-à-dire qu'à la fois il y a des écrits épouvantables, c'est comme si finalement donc le capitaine Dreyfus appartenait à une catégorie particulière hors société. Et c'est pas simplement les textes, c'est-à-dire qu'on assiste à un véritable foisonnement de caricatures, de dessins, absolument. Donc aujourd'hui, ça semblerait donc inacceptable de proposer ce type de caricatures et de dessins. Mais Dreyfus est vraiment traîné dans la boue. Il est animalisé. Il est réduit donc à un personnage venant des entrailles dont on ne sait où. Et donc là, il y a véritablement donc ce tournant-là. Sur Drummond, on peut renvoyer à la très belle biographie qu'avait donnée Grégoire Kaufmann et qui donne bien à comprendre et à connaître ce que vous dites. Tout à fait. Et puis on peut aussi ajouter qu'un livre de l'époque qui a eu un certain succès, puis qu'on a un petit peu oublié après, celui d'Anatole Leroy-Beaulieu, qui était Les Doctrines de haine, essaye de mettre en évidence la question de ce qu'il appelle les trois haines dominantes, c'est-à-dire l'antisémitisme, l'anticléricalisme, et puis, on l'a oublié aussi un petit peu aujourd'hui, l'antiprotestantisme. Et pour lui, donc, ces haines, finalement, donc, coexistent, elles se renforcent et se nourrissent l'une de l'autre, et produisent finalement donc une société particulièrement délétère, où il n'y a pas de place pour un discours pondéré, ou essayer de rapprocher les contraires et d'argumenter solidement au lieu d'user de l'invective. Anatole Leroy-Beaulieu était professeur à l'École libre des sciences politiques, qui était un lieu où on essayait de se défendre contre les haines. Avec Dreyfus, on voit l'exemple topique du bouc émissaire, qui fait partie directement du développement de cette haine que nous considérons ce matin, Frédéric Chauveau. Oui, Dreyfus est véritablement donc un moment particulier. Bon, il incarne effectivement donc le bouc émissaire, c'est-à-dire que la société qui se sent mal a besoin à ce moment-là bon, d'une victime expiatoire. Et Dreyfus remplit, si je puis dire, cette fonction. On aurait pu imaginer que ça puisse se focaliser sur un autre type de personnage, mais avec la lame de fond antisémite qui se diffuse dans la société française à ce moment-là, eh bien, le capitaine Dreyfus, pour parler familièrement comme aujourd'hui, coche absolument donc toutes les cases. Et donc là, évidemment, c'est absolument épouvantable parce qu'on assiste à une véritable offensive. Et cette offensive, bon, là, je vous apprends rien, elle se termine pas à la fin du 19e siècle. Elle se poursuit et elle traverse toute la période de l'entre-deux-guerres. En temps de guerre aussi, les boucs émissaires se proposent. Quelles qu'aient été les imprudences, par exemple, de Joseph Caillaux ou de Malvy entre 14 et 18, ils ont joué ce rôle-là de bouc émissaire. Et Clémenceau lui-même en a eu conscience de là où il était pour rassembler toutes les énergies nationales. Oui, et puis Caillaux a réuni, si je puis dire, toutes les facettes du personnage qui est considéré comme finalement arrogant, brillant, et donc tout ce qu'on peut aussi détester. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il a joué un rôle important dans les débats pour mettre en place l'impôt sur le revenu. Bon, forcément, dans la société française du 19e siècle, ça a du mal à passer. Ensuite, sa vie privée a défrayé, comme on dit la chronique, puisque sa femme a assassiné de 5 coups de revolver le directeur de Calmette du journal Le Figaro. Donc, ça, c'est juste la haine, hein, comme exutoire contre une haine subie. Voilà, c'est contre une haine subie. Et puis, Clémenceau est à l'offensive plutôt en 1917, au moment du tournant un petit peu particulier de la Première Guerre mondiale. Et donc là, Caillaux remplit tout à fait cet office-là parce qu'il a deux visages. Le premier, c'est qu'il est considéré comme pacifiste. Et en 1917, avec les mutineries dans l'armée, bon, être pacifiste, c'est considéré plus que comme une injure. C'est quelque chose qui est absolument donc inconcevable. Et puis ensuite, on laisse planer sur Caillaux le soupçon de complaisance avec l'Allemagne. Donc c'est la figure de l'espion qui transparaît à ce moment-là. Donc un espion pacifiste, à ce moment-là, c'est un objet de détestation absolue. Ce sera le thème de la cinquième colonne à partir de la guerre d'Espagne. Frédéric Chauveau, à un moment donné, de façon très pertinente, vous essayez de ramasser le vocabulaire discriminant qui donne à chacun des caractères propres, à chaque adversaire. Je relève ces propos qui montrent bien ce qu'est le rejet de l'autre par la haine. Hideux aspect, débris, farouche, sournois, horrible, impunité, nature avide, désinvolture hypocrite et caressante, ça c'est l'hypocrisie, félin, cupidité, bégayant et hébété, maudite, allures équivoques, aspect inquiet et mystérieux, l'air hagard va n'en jeter plus. Vous avez vécu avec tout ça? Pendant un court instant, la rançon du travail d'historien et d'historienne. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Venons-en à un autre thème qui mérite, je crois, notre intérêt, c'est la haine des femmes en tant qu'elles s'affirment comme féministes, pré-féministes. Et là, on trouve dans votre ouvrage une litanie de protestations, d'injures qui manifestent là encore, vous liez toujours haine et peur, qui manifestent peut-être la peur d'un certain nombre de mâles en face d'un changement d'une société dont l'équilibre leur convient bien. Le modèle dominant, les codes vont être brisés et cela est insupportable, au risque de l'être. C'est un chapitre très intéressant de votre réflexion. On peut dire que ça commence finalement peut-être en 1848, c'est pas la première offensive, mais il y a une vraie résurgence, parce que entre février et juin 1848, il y a la possibilité d'une société qui se transforme, on met en place le suffrage universel masculin, et quelques voix dissonantes ou discordantes se font entendre pour dire, ben oui, mais est-ce qu'une femme qui ne vote pas est une citoyenne? Donc il y a un débat autour des femmes, il y a des clubs qui se mettent en place, et là on a déjà un discours venant de la droite ou de la gauche, mais qui est assez hostile aux femmes. Alors, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un discours qui va réactualiser un petit peu donc les peurs de la place des femmes en 89 et le fait que on ne peut absolument pas donc octroyer donc le droit de vote aux femmes. Alors, tout le monde le sait, il a fallu attendre donc 1944, la décision du Sénat pour octroyer donc le droit de vote aux femmes. Et puis par la suite, vous avez des personnages qui sont vent debout contre les femmes. Alors, les deux peut-être les plus connus, le premier c'est Théodore Joran, en 1905, qui publie un livre qui s'appelle « Le mensonge du féminisme », ouvrage qui est couronné aussi par l'Académie française. Et dedans, c'est une véritable offensive contre les femmes, en disant la place des femmes, c'est au foyer, la politique est un domaine qui est trop dangereux pour des créatures qui sont fragiles et qui n'ont pas forcément donc l'intelligence nécessaire pour se positionner. Bon, voilà. Donc on a ce type de discours là, en 1905 qui apparaît, mais il faut pas oublier qu'il n'est pas tout seul. On peut prendre l'exemple de Proudhon. Qu'on peut pas taxer d'être le conservateur ou l'incarnation la plus absolue du conservatisme. Mais qui n'est pas libre non plus de tout antisémitisme. Et Proudhon a manifesté à plusieurs reprises son hostilité à l'égard des femmes. Il était notamment un partisan de la théorie des germes, qui consistait à dire qu'il n'y a que les hommes qui produisent des germes, donc il n'y a que les mâles qui sont intelligents. Alors que les femmes peuvent donner l'apparence de l'intelligence, mais qu'elles ne le sont pas parce qu'elles ne produisent pas de germes. Et l'exemple normalement imparable qu'il donne, c'est le nombre de brevets déposés, en disant, depuis le dépôt des brevets, regardez combien de femmes ont pu en déposer réellement. Et donc il en compte une douzaine, pas plus. C'est la preuve mathématique, par l'exemple et par la statistique, que les femmes ne sont pas intelligentes, qu'elles ne produisent pas des germes. Alors c'est un exemple parmi d'autres, mais on a un discours complet à l'encontre des femmes. Et puis on peut ajouter aussi Clément Vautel, plutôt au cours de la période de l'entre-deux-guerres, qui a peur que les femmes puissent prendre une place plus importante dans la société française. Toujours la peur et la haine. Toujours la peur et la haine. Et là, ça rejoint peut-être des débats très contemporains qu'on voit surgir depuis 2 ans. C'est le fait qu'on ait donc une inversion des rôles. C'est-à-dire que la guerre des sexes a eu lieu, et ce sont les hommes qui ont perdu la guerre des sexes. Et donc les femmes sont désormais donc au pouvoir, donc les hommes sont devenus efféminés, au sens où les rôles plus traditionnels qui étaient dévolus aux femmes, c'est eux qui les occupent. Alors que les femmes, elles, au contraire, se sont hominisées et par cela donc occupent désormais donc les places principales dans la société. Votre ami Vautel, écrit en 1913 que le féminisme est blâmable parce qu'il veut faire de la femme une espèce d'homme raté. Et il dit « J'admirerais, j'aimerais un féminisme dont le but serait de développer la femme dans le cadre naturel de son sexe ». Et quand on se plonge, comme vous l'avez fait, dans les archives judiciaires, alors on trouve un nombre d'injures à l'égard des femmes qui s'affirment, se posent comme féministes. On trouve des expressions telles que « viande avariée »,« vieille putain »,« pouliche de harem », »,« pétroleuse »,« communarde », etc. Et « communarde », ça conduit d'ailleurs à un personnage qui va subir de manière incarnée en quelque sorte cette haine, c'est Louise Michel, la communarde, reléguée en Nouvelle-Calédonie, revenant ensuite. Alors elle, quand on voit ce qu'en dit le Figaro au moment de son second procès en 93, les choses sont claires. Elle est communarde parce qu'elle n'est pas belle et qu'elle n'a jamais été aimée par aucun homme, dédaigne les vaines supercheries de l'élégance. Regardée dans son propre parti comme une manière de raseuse, larmoyante et insupportable, elle a eu hier cette humiliation suprême de ne plus faire un sou en cour d'assises. Bref, personne n'est venu en dehors de plusieurs stagiaires. C'est un concentré de haine, non ? Là, c'est un concentré absolu de haine. On trouve à la fois le type de discours qui avait été propagé à l'encontre de Georges Sand dans les années 1830 autour des bas bleus, avec aussi toute une série de caricatures. Mais Louise Michel, on a du mal à l'imaginer, parce que quand on l'étudie ou quand on la relit, c'est plutôt son rôle au moment de la Commune de Paris, et on laisse un petit peu dans l'ombre son retour. Et à ce moment-là, dans la presse, mais presque unanime, il y a une véritable offensive contre Louise Michel. Avec tous les clichés, les poncifs, c'est une femme frigide qui n'a jamais connu l'amour, voilà. Et donc si elle a choisi la politique, c'est un petit peu en désespoir de cause, parce qu'il fallait bien qu'elle trouve une raison dans l'existence, mais c'est un discours haineux absolu. Donc là, il y a sans doute peu de figures féminines qui ont été l'objet d'une offensive aussi abjecte, si je puis dire, et absolue. On trouverait dans le monde du travail, lorsque les femmes commencent d'y entrer, des hostilités souvent aussi violentes. La première avocate, Jeanne Chauvin, au début du XXe siècle, a attiré ce genre de passion. L'avocate, c'est hermaphrodite du progrès social. Mais venons-en à un autre type d'obsession, souvent haineuse dans ce XIXe siècle, c'est celle qui se dirige vers l'autre. Je veux dire, les errants, ceux qui sont les vagabonds, les maraudeurs, les oiseaux de mauvais augure, les hommes de trop, dit-on souvent en littérature. Et je vais commencer ce moment de notre conversation en vous donnant à entendre une lettre de Gustave Flaubert à Georges Sand sur la haine des bohémiens. Elle est datée du 12 juin 1967. C'est Fanny Ardant qui la lit. Un extrait de l'émission À voix nue sur France Culture le 28 octobre 2016. Je me suis pâmée il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir. L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. Et j'ai entendu de jolis mots à la prud'homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine qu'on porte aux bédouins, à l'hérétique, au philosophe, au solitaire, au poète. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. Être toujours favorable aux minorités, c'est précisément une manière de lutter contre la haine qui simplifie, qui caricature, qui désigne les objets de la détestation. Oui, là, Flaubert est un grand personnage dans ce discours. C'est quand même une parole minoritaire qui fait du bien à entendre. Et on a du mal à imaginer aujourd'hui cette détestation par rapport à tous ceux qui, pour leur activité professionnelle ou pour d'autres raisons, se déplaçaient. On a vraiment difficulté à l'imaginer pour aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on ne retrouve pas souvent émergé contre les gens du voyage ce type de haine, méfiance se muant en haine, non ? Alors, contre les gens du voyage, c'est certain, oui. Mais ça dont il s'agit, voilà. Les Romains Michel aussi. C'est à la fois Romains Michel bohémien. Alors, on oublie aussi, par exemple, que dès le Premier Empire, il y a eu un projet vers les années 1802-1804, hein, au moment où on quitte le consulat et où le Premier Empire se met en place, de déporter les bohémiens, parce que souvent, c'était une expression générique. Hein. C'était pas gens du voyage ou Romains Michel, mais c'était les bohémiens. Et on avait prévu, éventuellement, de les transposer, de leur faire traverser donc la mer et les océans et les installer en Louisiane. En disant, voilà. Donc le port de départ aurait été Rochefort. Et donc, on a un certain nombre de rafles aussi, de bohémiens qui ont été accomplis, notamment donc dans les Pyrénées, pour acheminer ces populations donc à Rochefort et les faire partir par bateau en direction de la Louisiane. Voilà. Donc, c'est un élément parmi d'autres. Et à l'époque, ça scandalise pas ouvertement. Il y a pas de voix qui prenne la défense des gens du voyage ou des bohémiens. Et puis après ça, c'est une véritable constante. Dans le texte de Flaubert, on le voit particulièrement bien. Et on assiste à une crispation au début du XXe siècle, dans les années 1912, avec une fameuse loi sur les bohémiens, mais quelle qui loi, a deux aspects en fait. C'est à la fois la loi qui va instaurer une sorte de signalisation sur les roulottes des bohémiens et des Romains Michel. Et puis il y a le carnet anthropométrique. Et il y a le carnet anthropométrique. Voilà. Donc là, qui est déjà, en fait, on peut le dire comme ça, qui est un fichage, en fait, de ces populations qui sont considérées comme potentiellement, donc, dangereuses, ou en tout cas menaçantes. Et on veut, donc, comme pour ce que l'on intégrait dans les prisons, donc, avoir des fichiers anthropométriques, c'est-à-dire une photographie face profil, un petit descriptif de leur trajectoire, et puis les empreintes digitales. Et donc, à l'époque, c'est la seule population qui est l'objet de ce type de dispositif. C'est unique. Donc, on a déjà, avant la Première Guerre mondiale, un processus d'ostracisation et de marginalisation de ces populations. Il n'y a d'exception que du côté des femmes bohémiennes, qui inspirent souvent des rêves un peu fantasmés. Carmen est là, la Esmeralda, etc. Pour rappeler Aragon, j'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer. Elle en montrait la déraison, elle avait la marche légère et de longues jambes de faon. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. C'est une bohémienne, puisqu'il est allé la rencontrer près des écluses où il y a un bas quartier de bohémiens. La figure de la bohémienne, comme vous l'avez dit, ça entretient ou ça provoque ou ça suscite le fantasme masculin. Donc c'est quelque chose que l'on peut accepter. Mais la haine est parfois tissée de quelque chose comme des fantasmes érotiques. Il y a des fantasmes érotiques, et puis c'est aussi le fait que souvent la haine, c'est la représentation de l'autre. On lui prête des pensées, des sentiments, des caractéristiques, et donc là, cette projection sur autrui est un élément qui entretient la haine. Alors que sur les bohémiens et les bohémiennes, très peu finalement d'hommes politiques à ce moment-là donc prennent position dans l'espace public, et puis on a peut-être quelqu'un comme Alexandre Dumas, pour d'autres raisons, qui prend position et qui dit que finalement, l'enlèvement des enfants par les bohémiens pour en faire des outils après ça de mendicité ou pour les revendre, tout cela, donc, ce sont des chimères qui n'ont pas lieu d'être. Si les sondages de proximité existaient à cette époque-là, moi, je suis sûr que peu de voix se seraient élevées pour prendre la défense des bohémiens et dire que les différentes dispositions prises contre ces populations sont absolument indignes. On retrouve presque aussitôt la question plus générale des migrants saisonniers et des immigrants qui vont aussi susciter des refus, des fantasmes aussi. Braquons un instant l'attention, si vous le voulez bien, Frédéric Chauveau, sur le moment d'Aigues Mortes en août 93. C'est une révolte spontanée où de nouveau on va voir se déployer la déraison mortifère d'une foule rassemblée, aux dépens des sérénités individuelles éventuelles. À Aigues Mortes, on s'en prend à des Italiens immigrés. On s'en prend à eux parce qu'on leur attribue toutes sortes de menées obscures et des modes de vie aussi qui ne sont pas pareils et qui sont insupportables. Lecture par Alain Rimoux d'un texte du procureur général de Nîmes sur ces événements. On est le 16 et le 17 août 1893. C'est un extrait de l'émission de Jean-Pierre Rioux qui s'intitulait « Frissons fin de siècle ». C'est une archive de France Culture du 31 juillet 1990. Au moment où le capitaine croyait pouvoir mettre en sûreté à Aigues Mortes ceux qu'il protégeait, la population de la ville, échauffée par le vin et la colère, se porta à sa rencontre et attaqua les Italiens par devant, tandis que la bande qui les suivait les frappait par derrière. Malgré les pierres qui pleuvaient, ce lamentable convoi peut enfin pénétrer dans la ville, mais à ce moment, les actes de sauvagerie redoublent. À chaque instant, des Italiens tombent sans défense sur le sol, des forcenés les frappent à coups de bâton et les laissent sanglants et inanimés. Toutes les portes se ferment devant eux. Pour échapper aux coups, ces malheureux se couchent sur le sol, les uns au-dessous des autres. Les gendarmes leur font un rempart de leur corps, mais les pierres volent et le sang ruisselle. Monsieur le préfet eut enfin l'heureuse idée de les faire conduire à une tour de fortification où ils trouvèrent enfin le salut. 6 d'entre eux avaient été tués et une quarantaine avait reçu des blessures. L'un de ces derniers a succombé dans la nuit et plusieurs autres sont encore en danger. Peu après, vers 2h30, 2 Italiens sont reconnus sur la place Saint-Louis. La foule se précipite sur eux et les frappe à coups de bâton sous les yeux des magistrats impuissants. L'un est tué et l'autre gravement blessé. Enfin, vers 7h du soir, sous la protection de 2 compagnies d'infanterie et d'un détachement d'artilleurs à cheval arrivés enfin de Nîmes, les Italiens réfugiés dans la boulangerie et ceux qu'on avait enfermés dans la tour de Constance, sauf 2, trop grièvement blessés et qui ont été portés à l'hôpital, ont pu être amenés à la gare et conduits à Nîmes et à Marseille. Et quid cacidet nous pidiem. Peut-être est-ce l'occasion de citer Éric Zemmour sur CNews le mardi 29 septembre de l'année dernière, en 2020, qui affirmait à propos des mineurs étrangers isolés qui demandaient l'asile à la France, « Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer. » C'est à peu près ce qu'il y avait dans l'esprit des Français qui ont massacré ces Italiens. Alors, c'est en partie ça, mais c'est une situation qui est un petit peu compliquée, parce que sans rentrer dans le détail, c'est la compagnie des Dessalins qui embauchait environ 1200 ouvriers saisonniers pendant le mois d'août. Donc il y avait évidemment des ouvriers qui venaient de plusieurs pays d'Europe, et en particulier des Belges et des Italiens. Alors on l'oublie trop souvent, mais au XIXe siècle, il y a une vraie crispation à cause des difficultés de trouver de la main d'œuvre. On emploie des Belges et des Italiens. Pour faire baisser les salaires. Pour faire baisser les salaires, tout à fait. Et donc, à ce moment-là, donc au mois d'août, sans entrer dans le détail, il y a une crispation, puisqu'au niveau de la charge de travail, certains étaient rémunérés au fait de ramasser le sel et d'autres au fait de le transporter. Donc, les difficultés n'étaient pas tout à fait les mêmes. Ça dégénère. Et puis, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le groupe qui est le fer de lance, finalement, contre les Italiens, c'est pas, en fait, véritablement, quand on regarde le procès, les ouvriers qui étaient de la région et qui avaient l'habitude de venir travailler aux mines. On a une sorte, si je puis dire, de groupe un petit peu donc minoritaire qui s'est crispé comme des nervis dans d'autres pays au cours de l'entre-deux-guerres, notamment donc en Allemagne, et qui s'est focalisé contre ces Italiens. Alors ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même 8 morts, il y a 40 blessés officiellement, et à ce moment-là, la seule solution qui est trouvée par les autorités, c'est de mettre tous les Italiens survivants et blessés dans un train et de les transporter donc à Marseille. Et après le procès, acquittement des assassins par un jury populaire. Acquittement des assassins. Alors, là, évidemment, les chroniqueurs judiciaires, du moins la grande majorité, sont absolument donc vent debout contre la décision donc du jury populaire. Mais dans le système français, à ce moment-là, il n'est pas possible de faire appel. Voilà, il faudra attendre Robert Badinter pour que l'appel soit introduit dans les jugements de cour d'assises. Alors, venons-en dans le dernier moment de cette conversation sur la haine au XIXe siècle, comme puissant ressort, Frédéric Chauveau. Venons-en aux haines qu'on peut appeler entre soi, en particulier aux haines plus privées, aux haines de voisins, par exemple. Je pense à cette nouvelle de Georges Clemenceau dans Les Figures de Vendée, où il évoque le petit et le grand Antoine, deux agriculteurs qui se disputaient sur un mètre carré à la frontière de leurs deux champs. Et pendant des décennies, ils se sont détestés. Quand l'un est mort, l'autre est mort aussitôt. On dit, ça fait partie des dictons populaires, que les meilleures haines, ce sont les haines de proximité ou les haines de famille. Et donc, il n'y a sans doute rien de plus exacerbé que les haines de voisinage. Encore aujourd'hui, si on fait un petit détour par les faits divers régionaux, il existe plein d'exemples comme ça, qui ne vont pas forcément jusqu'à une extrémité sanglante ou dramatique. Et vous les trouvez dans les gazettes judiciaires que vous avez abondamment consultées. Voilà, il suffit d'ouvrir un périodique. Un exemple parmi d'autres, c'était une rivalité entre deux agriculteurs, et le premier, pour se venger du second, avait décidé de couper le cep de vigne qui était devant sa maison. L'autre l'a pas supporté, mais il a mûri, si je puis dire, sa haine et sa vengeance. Et 15 ans plus tard, profitant du fait qu'il était parti à la chasse, il a en quelque sorte grimé un accident de chasse, en fait, en assassinat, mais le poteau rose a été découvert assez vite. Donc les haines de voisinage sont absolument courantes. Il n'y a pas si longtemps, dans la presse, un petit article qui pouvait faire sourire montrait que des rivalités dans une résidence, les voisins habitaient au rez-de-chaussée, l'un ne supportant pas l'autre, avait cloué à l'extérieur les volets de sa fenêtre. Voilà. Bon. Donc là, on n'a pas, si je puis dire, inventé quelque chose de particulièrement nouveau, mais on l'oublie, les haines de voisinage, quand il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui peut jouer le rôle de médiateur, peuvent s'enlumer et puis produire des désastres absolus. Les haines conjugales sont inversées au même chapitre. On parle des féminicides actuellement. On y prête plus d'attention peut-être que naguère. Et c'est peut-être fécond, espérons. Mais je vois que ce que nous appelons aujourd'hui féminicide s'intitulait uxoricide, du mot latin uxor, la femme. à l'époque dans l'ensemble de la littérature judiciaire? Oui, dans les traités et dans les manuels judiciaires du siècle des Lumières et du début du XIXe siècle, le meurtre des époux, c'est uxoricide. Au début, ça désigne plutôt un mari qui tue sa femme. Et puis après, par contamination, uxoricide désigne de manière indistincte le meurtre de l'époux ou le meurtre de l'épouse. Le mot féminicide existe au début du XIXe siècle, mais il ne signifie pas la même chose. Je crois que ça apparaît pour la première fois dans un périodique, on parle de lacet féminicide. À ce moment-là, ça veut dire tout simplement que c'est les femmes qui mettent la corde au cou des hommes pour les contraindre et les empêcher de vivre une existence épanouie. Et en fait, pour que le mot féminicide désigne véritablement une action contre les femmes, il faut attendre en réalité le début du XIXe siècle où on parle de loi féminicide, c'est-à-dire à ce moment-là, de loi dirigée contre les femmes. Mais par contre, avec une autre orthographe, mais là, ça nous fait voyager dans le temps, c'est Scarron, dans une pièce de théâtre du XVIIe siècle. Le premier mari de Madame de Maintenon. Tout à fait. Qui parle à ce moment-là de regard féminicide avec deux N, donc l'orthographe n'est pas identique avec celle d'aujourd'hui. À ce moment-là, le personnage principal, qui est un noble, rêve tout simplement de mettre à mort les femmes qui ne veulent pas répondre à ses avances. Alors, ceci dit, sur le crime conjugal même au XIXe siècle, il y a une sorte de complaisance qui a duré très longtemps, jusqu'aux années 1990, parce que souvent on parle de drame conjugal, hein, de drame de la cohabitation, et finalement on considère que ça relève plutôt d'un crime passionnel. Et les jurys populaires sont plutôt cléments parce qu'on considère que c'est pas une action crapuleuse, le mobile qui a animé à ce moment-là le geste, c'est l'amour. Et en réalité, il y a quelques rares magistrats, et on l'oublie trop souvent, qui parlent à ce moment-là de crime de propriétaire, en disant que le mari qui tue sa femme, c'est pas du tout par amour, mais c'est parce qu'il considère qu'elle peut pas lui échapper, c'est sa possession. Et donc, à ce moment-là, il a le droit de vie et de mort sur elle. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, les deux derniers féminicides qui ont défrayé la chronique il y a peu, eh bien, l'attestent tout à fait. Ce sont également des crimes comme ça, pour ne pas être abandonné, pour ne pas perdre la face. Eh bien, à ce moment-là, donc, on va tuer son épouse, ou son ex-épouse, ou sa fiancée, ou sa conjointe, ou son ex-conjointe. À l'extrême, ça peut conduire au cri fameux d'André Gide, « Famille, je vous hais », extrait des Nourritures terrestres. Parfois aussi avec un contresens aussi sur l'expression, parce que en fait c'est plutôt une sorte de plainte ou de lamentation. Ça n'a rien à voir avec le crime gratuit qui sera développé dans un autre roman. Pour Gide, en fait, la famille, c'est tout simplement donc un lieu qui peut apporter une sécurité, qui peut préserver, mais qui permet pas l'épanouissement. Et donc la famille est condamnée finalement à être étriquée et à empêcher donc la possibilité de se développer. Donc famille, je vouais, le cri, c'est pas un cri de détestation absolue de la famille, mais de certaines familles qui empêchent aussi, si je peux dire, l'épanouissement de leurs enfants. Voilà de précieuses précisions. Le sujet de la vendetta fait partie aussi de votre réflexion sur la haine au XIXe siècle, Frédéric Chauveau. La vendetta, c'est bien la perpétuation d'une haine, c'est une manière, là encore, d'opposer la haine à la complexité des choses. Quand on parle de vendetta, on a le sentiment que ça n'existe que dans une région française, la Corse. Alors que le cycle vindicatoire, comme l'appellent aujourd'hui les anthropologues, peut se trouver dans absolument toutes les régions. On a deux familles qui se haïssent absolument, ou deux personnages, ou deux porte-paroles de communautés. Et puis à ce moment-là, eh bien, on va avoir de cesse, tout simplement, de laver l'honneur et de prendre l'avantage sur l'autre famille. Alors, quitte à oublier d'ailleurs les motifs initiaux de la haine. Écoutez cet extrait de Colomba, la fameuse nouvelle de Prosper Mérimée, 1840. C'est une lecture de Serge Reggiani. Extrait de Lecture du soir de la radiodiffusion française, le 18 septembre 1956. Maintenant que tout dort et la belle Colomba et le colonel et sa fille, je saisirai ce moment pour instruire mon lecteur de certaines particularités qu'il ne doit pas ignorer s'il veut pénétrer davantage dans cette véridique histoire. Il sait déjà que le colonel de la Rebbia, père d'Orso, était mort assassiné. Or, on n'est pas assassiné en Corse, comme on l'est en France, par le premier échappé des galères, qui ne trouve pas de meilleur moyen pour vous voler votre argenterie. On est assassiné par ses ennemis. Mais le motif pour lequel on a des ennemis, il est souvent fort difficile de le lire. Bien des familles se haïssent par vieille habitude, et la tradition de la cause originelle de leur haine s'est perdue complètement. La famille à laquelle appartenait le colonel de la Rebbia haïssait plusieurs autres familles, mais singulièrement celle des Baraccini. Quelques-uns disaient que, dans le XVIe siècle, un della Rebbia avait séduit une Baraccini et avait été poignardé ensuite par un parent de la demoiselle outragée. À la vérité, d'autres racontaient l'affaire différemment, prétendant que c'était une Della Rebbia qui avait été séduite et une Baraccini poignardée. Tant il y a que, pour me servir d'une expression consacrée, il y avait du sang entre les deux maisons. Toutefois, contre l'usage, ce meurtre n'en avait pas produit d'autre. C'est que les Della Rebbia et les Baraccini avaient été également persécutés par le gouvernement génois, et les jeunes gens s'étant expatriés, les deux familles furent privées pendant plusieurs générations de leurs représentants énergiques. Alors naturellement, arrive ensuite, réémerge l'hostilité entre les deux maisons. C'est la renaissance de la vendetta. On songe aussi au film de Ridley Scott qui donne à voir deux officiers des armées napoléoniennes qui poursuivent sur des années et des années le duel chaque fois qu'ils se retrouvent. Ils ont complètement oublié à la fin l'origine de leur querelle. Bon, oui, on aperçoit cette disposition d'esprit à la fois au niveau des individus, des familles, mais aussi des groupes communautaires comme des villages ou des quartiers. Et on oublie également qu'au XIXe siècle, les groupes de jeunes étaient dépêchés pour laver l'honneur du village. Et si c'était le groupe de jeunes du village voisin qui l'avait emporté à ce moment-là, on considérait que c'était un véritable affront. Il y a eu d'ailleurs des exemples tout récents dans le sud de la France. Exactement, dans le sud de la France, mais également dans la région parisienne, quand des bandes de jeunes s'affrontent. Alors évidemment, là, les raisons ou les ressorts peuvent être différents. Ça peut être lié aussi donc à des trafics clandestins, mais ça revient un petit peu donc finalement à la même situation. On considère que on peut être menacé. Il faut laver l'honneur du quartier, du village, de la personne, de la communauté, et on n'hésite pas à ce moment-là donc à s'affronter. Mais on trouve la même disposition, si je puis dire, auprès des compagnons du Tour de France au XIXe siècle. Ah oui, les haines de métier, les gavots et les dévorants. Oui, on voit cela surgir dans le livre d'Agricole Perdiguy en 1854, les mémoires d'un compagnon dévorant, gavot. Que se passait-il ? Les artisans, si je peux dire, spécialisés, donc les compagnons du Tour de France, qui existent toujours aujourd'hui, s'étaient divisés en réalité en une multitude de petites sociétés donc rivales. Et à ce moment-là, il fallait être capable eh bien, de s'affirmer sur la scène publique. Et il y avait comme ça des rencontres parfois houleuses à la croisée des chemins. Et on donnait comme conseil, puisque pour se promener, pour se déplacer, on avait l'ensemble de ses affaires sur son dos en général, eh bien, on pouvait, pour ralentir les gestes, avoir un bâton, ben, tout simplement pour cheminer. Et on conseillait de mettre une extrémité ferrée au bâton, parce que si on rencontrait comme ça quelqu'un d'une autre société qui pouvait être considéré comme un rival, à ce moment-là, un coup de bâton ferré était beaucoup plus efficace qu'un coup de bâton sain. Alors, les exemples les plus connus, c'est là-dessus que Agricole Perdiguy se lamente, c'est les rivalités entre les dévorants et les gavots, parce que tous les deux, finalement, sont des menuisiers, des serruriers. Dévorants, ça vient de devoir, par une mutation. Voilà, c'est les compagnons du devoir, et les autres, c'est les compagnons du devoir de liberté. Voilà. Donc, pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, les différences semblent assez minimes, mais à l'époque, c'était absolument fondamental. Et donc, avant d'engager les hostilités, pour montrer qu'on les détestait de manière absolue, on n'hésitait pas, donc, à pousser la chansonnette. Alors, par exemple, on pouvait dire « Nous fîmes du boudin du sang des gavots », voilà, première réplique, et on répondait à ce moment-là en face de l'autre camp, dans un an, il n'y aura plus de dévorants. Et puis à ce moment-là, on pouvait donc se laisser aller à des injures ou à des coups et des blessures. Et on relève par exemple, c'est à Bordeaux, il y a 300 artisans de deux sociétés qui se font face à face, qui foncent l'une vers l'autre, et on laisse sur le terrain deux morts plus un certain nombre de blessés. Je ne voudrais pas, Frédéric Chauveau, que nous terminions cette conversation sur la haine comme ressort de la vie collective, en laissant entendre que c'est le seul mouvement affectif, c'est le seul propos profond qui organiserait une société, et en particulier au XIXe siècle. Il y a beaucoup d'autres sentiments, bien sûr, et ce serait être un peu chagrin que de colorer de noir tout ce XIXe siècle de la façon que nous venons de faire exclusivement. Pour terminer, un mot de Robert Badinter, le 5 juillet 2017, qui, à propos de cette haine concentré que la France a subi avec, et pas seulement la France, avec le nazisme, et en particulier avec la Shoah. Voilà ce qu'il dit à propos de Simone Veil. On ne construit rien sur la haine. Elle avait compris, encore adolescente, qu'il n'y avait pas de place pour la paix s'il n'y avait pas d'abord l'apaisement intérieur, dominé ce sentiment presque naturel dans ce cas-là de haine à l'égard des assassins de ses parents. Mais on ne construit rien sur la haine. C'était ça, la véritable leçon qu'enseignait Simone Veil et la vie telle qu'elle l'avait construite avec son mari Antoine. Le refus de la haine. Et la haine, ici, elle avait une patrie. C'était l'Allemagne nazie. Frédéric Chauveau, merci. Merci. Votre livre s'intitule « Histoire de la haine, une passion funeste, 1830-1950 », publié aux presses universitaires de Rennes en 2014, des presses que je ne me lasse pas de célébrer. Il publie beaucoup de livres très précieux et à grand mérite. J'ai aussi à vous signaler le livre d'Hervé Lehmann, tout récent, qui s'appelle « L'ère de la calomnie, une histoire de la diffamation ». Ça fait partie aussi de notre sujet. Le sous-titre, c'est « D'Oscar Wilde à Denis Baupin ». Entre plusieurs ouvrages que vous avez consacrés à l'évolution des sensibilités collectives, je signale aussi, d'autres seront en ligne sur notre site, je signale « La chaire des prétoires, histoire sensible de la cour d'assises, 1880-1932 ». Également aux presses universitaires de Rennes, 2010, nous en avions parlé ici même, dans une émission qui est encore en ligne. Et dites-moi à quoi vous travaillez en ce moment, de mettre, je crois que ça va apporter un peu de légèreté dans cette émission qui n'était pas drôle. Oui, pour laisser de côté un petit peu les ténèbres, le livre qui est en préparation serait un ouvrage sur le rire judiciaire. Et vous riez beaucoup en l'écrivain ? Par rapport à la haine qui donne une vision sombre, ça permet de s'y plonger de manière plus régulière. Donc, un jour ou l'autre, nous accueillerons un Frédéric Chauveau rigolo. Je m'en félicite à l'avance. Samedi prochain, nous parlerons du théâtre. Il s'ouvre les théâtres, à nouveau, enfin. Néanmoins, on continue de parler de crise. Le théâtre a-t-il toujours été en crise ? C'est le titre d'un ouvrage de Pascal Goetschel. Et j'ai pensé que dans la conjoncture que nous connaissons, il était utile et qu'il serait précieux de la recevoir à ce micro. Lundi matin, vous retrouverez le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, consacrant sa semaine au thème suivant, sécurité, sûreté, liberté, virgule, une histoire, point. Lorsque sans parti pris, on établit le bilan de l'humanité d'aujourd'hui, bien limpide comme un clair de lune et lumineux comme un clair de notaire. C'est parti tôt que les hommes seront frères et que malheureusement au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents. C'est triste et déprimant. Il y a de la haine partout, il y a de la haine tout autour de nous, surtout partout, tout, tout se passe par en dessous. De mémoire, de grâce, jamais dans les yeux, on vit tant de regards haineux. Et sur le fond d'une chanson interprétée par les Quatre Barbus, un texte de Pierre Dac, notre vieil ami, 1956, une chanson qui s'intitule « Tyrolienne haineuse », je vous rappelle que vous venez d'écouter Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Yann Fressy et Selim Guéridi, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Christine Ockrent pour Affaires étrangères. Que d'authentiques sagouins entretiennent de près comme de loin. Il y a de la haine de toutes les nuances, de la haine standard ou de circonstance. Il y a de la haine de bon ton pour les haineux de salon. Et de la grosse haine de confection. Mais de toutes les façons. Il y a trop de haine, oui, il y a trop de haine et il y a trop d'haineux. Ça tourne au scabreux et au scandaleux. Car certains haineux, on arrive même entre eux à se traiter de tête haineux. C'est un cercle vicieux, car quand un haineux et un autre haineux, celui qui est aussi par l'autre haï, de même que celui qui est haï, haï sans celui dont il est haï. Chaque haï donc est un haï qui est. Ce qui fait qu'en fin de compte, on peut voir comme ça l'haï, si l'haï, la. Voilà, c'est comme ça. Oh, bien sûr, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de quoi. En signe de joie. Se passer les paupières à la crème de Chester. Avec une tringle à rideau de fer. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. C'est de rassembler par toute la terre. Tous les hommes malheureux qui d'un cœur généreux haïssent la haine et les haineux. C'est ce qu'il y a de mieux. Avoir la haine et les haineux. Ainsi que ceux qui hurlent avec eux. Assez de haine, assez de gens qui passent leur temps à haïr bêtement. Si nous tenons bien que nous en viendrons sûrement à bout, la confiance alors mettra le monde d'accord. Et l'on sera content de voir les hommes d'à présent devenir de plus en plus confiants.